Bonjour à tous, bienvenue sur ce troisième podcast sur l'expérience canadienne. Aujourd'hui, je vais parler des cours. C'est pas forcément le sujet le plus fun, mais c'est pour ça que je suis là, donc ça me paraît important d'en parler. Et surtout, je voulais évoquer les différences que j'avais pu trouver avec la France. Alors, je vais commencer tout de suite par la première différence. Cette année, je n'ai que des cours en amphi, pas de travaux dirigés, pas de travaux pratiques. C'est la première fois que ça m'arrive et je n'ai que 4 modules de cours, donc que 4 matières. C'est quelque chose de totalement normal au Canada de ne pas surcharger avec des matières et même dans les formations scientifiques de ne pas avoir de travaux pratiques. Ce sont des choses qui peuvent arriver, ça veut pas dire qu'ils en font jamais, c'est juste que parfois il y a des semestres où il y en a pas. Qu'est-ce que ça veut dire avoir peu d'amphi et que des amphis? Ça veut dire avoir peu d'heures de cours, ce qui est certes très bien parce que ça permet d'organiser son temps comme on veut. Mais en contrepartie, on a beaucoup de travail personnel. Il y a ce qu'on appelle des readings, c'est-à-dire que pour chaque cours, il y a un manuel avec des lectures à faire pour préparer le prochain cours. Et quand je dis des lectures, c'est pas des petites lectures. Pour chaque cours, on est plutôt de l'ordre de 20 pages par semaine. Donc ce n'est pas rien. Ça a ses avantages comme ses inconvénients. Je pense qu'en tant qu'étudiant d'échange, c'est plutôt avantageux. Parce que le fait de lire, ça permet de prendre son temps pour chercher des mots qu'on ne connaît pas, d'aller vraiment à son rythme. Et c'est quelque chose qui convient, à mon avis, assez bien quand on étudie dans un langage qui n'est pas sa langue maternelle. Donc je suis plutôt satisfaite de cette méthode d'éducation, mais on peut la trouver bien, on peut la trouver mal. Comme tout, elle a ses avantages et ses inconvénients. Autre différence, ici on travaille toute l'année, il n'y a pas de partiel, pas de période où on va avoir vraiment des gros examens. Alors si, il y a des partiels et il y a les midterms qui sont ce qu'on appellerait les semi-partiels, mais ça ne se limite pas à ça. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs maison, des quiz en ligne à rendre, et c'est tout le temps. C'est-à-dire que des quiz en ligne, il y en a toutes les semaines. Et comme toujours, on va trouver cette méthode plus ou moins bien, mais le fait de ne pas tout jouer sur un examen final, c'est quand même quelque chose de plutôt avantageux et de plutôt rassurant, y compris, comme toujours, pour les étudiants d'échange qui n'étudient pas dans leur langue maternelle. Dernière différence que j'ai notée, en amphi, les profs font le show, ce ne sont pas des amphis ennuyeux. Les profs essayent toujours d'intéresser les élèves et de les détendre. Ils essayent de nous rappeler qu'ils sont humains, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à parler d'eux, de leur sujet d'étude, et c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Par exemple, quand on a des amphis un peu longs qui durent 2 heures, ils vont s'arrêter pour raconter une petite blague qui est en rapport avec le cours, qui n'est pas forcément hors sujet, mais qui nous donne une pause intellectuelle pendant laquelle on n'a pas à réfléchir à ce que le professeur est en train de dire, à prendre des notes, et c'est quelque chose de vraiment très appréciable. Et c'est pas un professeur qui raconte sa vie de manière intempestive. En général, leurs pauses sont préparées et elles sont là pour nous détendre. On a vraiment des professeurs qui nous disent « Bon, si je vous raconte ça, c'est pas seulement pour vous raconter ma vie ou quoi que ce soit, c'est parce que je sais que si je fais pas une pause maintenant où votre cerveau se relâche pendant 5 minutes, vous allez jamais tenir jusqu'à la fin des 2 heures. » Et ce côté bienveillant des professeurs, je sais que j'utilise beaucoup le mot bienveillance, c'est quelque chose de vraiment appréciable et c'est une différence que je tenais à souligner parce qu'elle m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, c'est la fin de ce podcast, il était vraiment très très court parce que les cours c'est pas forcément le sujet le plus intéressant qu'il y a. J'espère que ce podcast vous a tout de même plu, que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions à propos des cours, à propos de n'importe quoi, n'hésitez pas à me les envoyer pour que j'y réponde dans un prochain podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.